mi yo gen sa pou habitude. Yo reme ou janja tout an wap travay. Yo tombe, ta pou y pasi par la. Yo gomet yo gayera, yo kompwen yo se la se vieze. Ala te trata pou jen gason. Bon Dieu, ma non pou a pou nou porte. C'est la femme, bon Dieu, mettez-vous là. Donc déjà, là déjà, monsieur n'a pas courage. Déjà, monsieur n'a pas courage, monsieur n'a pas courage. Donc déjà là, déjà, c'est nous qui pour travailler, pour payer l'argent. Monsieur n'a pas courage, donc déjà là, déjà, c'est nous qui pour travailler, pour payer l'argent. Monsieur n'a pas courage, donc déjà là, déjà, c'est nous qui pour travailler, pour payer l'argent. Monsieur n'a pas.